passage parmi tous ces nuages. Je me dis que je suis passage et je me trouve nu à mon âge. Je me dis que c'est peut-être ça ma vie, qu'aujourd'hui je changerai pas d'avis, que c'est peut-être ainsi, que c'est bien loin du paradis. Si j'étais elle, puisque je ne sais faire que ça, elle me diffère pour tout le monde. Mais comment se termine pareil, vous me direz, c'est immonde de se dire qu'il n'y aura pas de réveil. Moi je me confie à vous, mais dites-moi si ça vous gêne, car je suis pas fou. Je sais que c'est chiant que quelqu'un se plaigne. Si j'étais elle, quelle serait moi? Je serais celle qui courirait à ses bras. Je déploierais mes ailes et m'en irais loin là-bas pour faire du zen, puisque je ne sais faire que ça. I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am.